Si vous voulez mouvementer les uns sur les autres, c'est maintenant. On se rapproche et on danse. Allez, on bouge. De données, trop d'informations, pas le temps de digérer. Deux jambes plus grandes, surtout, pas penser à autre chose que la distraction. Flippante, obtienne, futile. Terroriste. La distraction. Le piège, à conseil, d'un pilier de la manipulation de masse. Les jeux du cirque à la télé, pendant ce temps, le temps passe. On en oublie l'information. Noyé dans un flot continu. Les dingues ont dit que m'as-tu vu. Les dingues ont dit que m'as-tu vu. La distraction. Le piège à con. Pas penser à autre chose que la distraction. Flippante, obscène, futile. Terroriste. La distraction. Le piège à con. Ou à con. Le prochain morceau s'appelle La Consigne. Ouais. Le technicien japonais est dans le réacteur A. Promène sous plusieurs GG, brave les rayons gamma. Lui continue, il chemine tout au long de des turbines. Il habite dans la ville de Fukushima. Lui continue, il chemine tout au long des turbines. Il habite dans la ville de Fukushima. La la la. La. Le technicien japonais dans le réacteur A. Promet de venir GG, brave les rayons gamma. Lui trottine et chemine tout au long des turbines. Il habite dans la ville de Fukushima. Lui trottine et chemine tout au long des turbines. Il habite dans la ville de Fukushima. La la la. La la la. Merci.